un peu les filles. Allez, on va ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, toi, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprendre, ce ne vaut pas. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, le mercredi de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, dans l'émission Johnny de A à Z. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 557e émission, et qui dit premier mercredi du mois, dit évidemment émission live. Je vais vous proposer une petite thématique, tiens, ça s'est venu ça comme ça dans la journée, une petite thématique de Johnny Hallyday avec en gros les succès du moment qu'il a repris en concert. Je ne sais pas hein, si je vous dis genre en 1960, ben oui, le premier titre, le premier 47 tours de Johnny c'était Laisse les filles, hein, ou T'aimer follement comme vous voulez, mais on va parler de Laisse les filles, donc il figurera en live bien entendu. Si on parle un peu de 1964 avec Le Pénitencier par exemple, si on parle de 1968 avec San Francisco, et si on parle de genre 1971 avec Fils de personnes ou ma jolie Sarah. On va aller de l'émission, elle sera en deux parties, hein, on va aller de l'émission, de cette émission première partie de 1960 jusqu'à 1981 et ultérieurement on aura donc la suite de 1982 jusqu'à 2017. Voilà, une bonne programmation en perspective. Hein. Pour moi la vie va commencer. Revenons dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie. Je vous chante avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Yeah. La vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris. On est au loin comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Oui, pour moi la vie va commencer. Ah, pour moi la vie va commencer. Oui, pour nous la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer, sorti en 45 tours le 31 octobre 1963. Johnny Hallyday à l'instant à l'Olympia 1964. Et dans cette émission Johnny 2 à Z, je vous propose d'écouter Johnny Hallyday avec plein de singles en live, évidemment, des titres qui sont sortis en 45 tours, comme ce titre-là, Quand revient la nuit, qui est sorti en 45 tours le 14 mai 1965. La nuit. Tout seul, je m'ennuie, je pense à toi. quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Je m'ennuie, ici le temps n'en finit pas. Je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr, j'ai changé. Ah oui, changé. Plus fort que jamais, je veux t'aimer. Johnny à Toulouse, le 12 octobre 1965. Tout est fini. Voici un ami, ça n'a pas de prix. Sorti. Il faut le 20 janvier 1965, avec aussi le titre Johnny lui dit adieu. Un ami, ça n'a pas de prix. Quand on a des ennuis, où est-elle quand on a des ennuis? Aujourd'hui tout est fini, il faut que je l'oublie. Il faut que je l'oublie. Mon amour s'en est allé, mais les amis sont restés. Oui, pour m'aider à l'oublier, je sais. Un ami, ça n'a pas de prix. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Écoutez-le quand il vous dit, il te perd du temps pis. Il te perd du temps pis. Au fond de lui, il n'y croit pas, semblant rien que pour moi. Au bon moment, il vient souvent pour toi. Un ami, ça n'a pas de prix. Quand on a des ennuis, quand on a des ennuis. Quand on a des ennuis, oui, aujourd'hui tout est fini. Il faut que je l'oublie. Oh, il faut que je l'oublie. Ah, il faut que je l'oublie. Oh, il faut que je l'oublie. Oui, il faut que je l'oublie. Oh, il faut que je l'oublie. Ah, il faut que je l'oublie. Formidable. Mon histoire est une histoire comme on en voit tous les jours. On croit pouvoir s'aimer pour la vie. Ce que l'on a cru un jour, on veut y croire pour toujours. Mais déjà on se perd dans la nuit. Je l'aime. détourner de moi. Pourtant elle cachait ses yeux dans ses cheveux pour pleurer. Je cherche encore à savoir pourquoi. Cherche dans les rues comme un fou. Je crois entendre sa voix, il me semble la trouver partout. Je l'aime, je l'aime. Ne lui a-t-on pas appris lorsqu'elle n'était qu'une enfant que le temps est souvent le plus fort. Les défaites de la vie marquent un garçon pour longtemps. Le saura-t-elle quand je serai mort? Je l'aime, je l'aime. Johnny Fréjus, le 30 juillet 1966, avec ce titre-là, Je l'aime, qui était sorti le 23 janvier 1966. Et le prochain titre, qui est Le Pénitencier. Lui était sorti le 24 octobre 1964. Les portes du pénitencier, bientôt on se fermé. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres cas l'ont fini. Toi la fille qui m'a Avec vous. Voici maintenant une chanson que j'aime beaucoup et que ce soir spécialement je vous dédie. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais faudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, à mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. À les hommes et leur colère, viendrait la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Journal de Palais des Sports 1967 avec ce 45 tours. Si j'étais charpentier, sorti le 6 décembre 86, et voici Je veux te graver dans ma vie. J'étais tout seul, je suis parti, je ne voulais pas m'arrêter. Hey, une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve. Hey, ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement serré très fort. Oh, tu es né pour être en moi, oh, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je vais partir, je vais courir, et quand tu viens, je veux rester. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas croire à Dieu. Tu es né pour être un moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je veux te donner de ma vie. Oh! fait comme un pauvre fait comme un pauvre fait comme un pauvre fait comme un pauvre fait. On continue toujours ce 45 tours en live. Voici tout de suite Bonnie and Clyde, sorti le 29 janvier 68. Bonnie and Clyde étaient tous de Genève. On aurait dit qu'ils étaient les enfants du diable. Bonnie and Clyde, c'est en volant une auto qu'ils se sont rencontrés. Ce jour fut mémorable. Dans un drugstore, ils ont pillé puis la fille. Dans la poursuite, raflant tes bagnoles pour mieux se cacher et plus vite. Bonnie and Clyde, grandir en réputation, tant et si bien qu'un jour ils attaquèrent des banques. Les mains en l'air, crier éclat en pleine action, pendant que Bonnie remplissait de dollars un sac. Les impravables voulut les arrêter seuls. Ils l'ont laissé dans une mare de sang, échappant de justesse en riant. Clyde était bien l'ennemi public numéro un. Le FBI autre aussi riait tous deux comme des gamins. Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien tôt ou tard que ce chemin-là mène à une fin certaine. Au matin blême dans la prairie remplie de fleurs pour mourir. Venant d'une information, la police tend un piège à lui et sa compagne. Bonnie and Clyde, parmi les détonations d'armes à répétition, sont morts dans la campagne. Bonnie and Clyde, la main dans la main. Bonnie and Clyde ont trouvé leur fin. Bonnie and Clyde. Je m'ai aidé à Grenoble le 10 février 1968 et voici le titre suivant. San Francisco, sorti en 45 tours le 20 octobre 1967. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien. San Francisco vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien. Si vous allez à San Francisco, sur cette terre, si vous allez à San Francisco, vous les verrez des fleurs dans les cheveux. Tous les hippies de San Francisco, la dame à présent à la Palais des Sports en 1969, mais avec un 45 tours entre mes mains et jeune homme, sorti le 24 juin 68. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Tu parles comme un homme, à croire que t'as vécu mille ans et plus. Je n'en veux, tu parles comme un homme. À quoi que dans la vie, t'as-tu ta vue? Et que sais-tu d'un enfant tout seul quand vient Noël? Oui, que sais-tu de ce chien dont le maître est au ciel? Et que sais-tu d'un ami que l'amour a brisé? Oh oui, que sais-tu des amis qui ne pourront jamais, jamais l'aider? Si tu savais ce que je sais. Jeune homme, tu parles comme un homme. À croire que t'as tout vu, que t'as tout lu. Jeune homme, tu parles comme un homme. À croire que coincé, t'es sans pitié. Mais que sais-tu de celui qui n'a plus de pays? Oui, que sais-tu des bateaux qui sombrent dans la nuit? Et que sais-tu d'un vieillard qui a peur de l'hiver? Oh oui, que sais-tu des milliers de gens qui souffrent aujourd'hui sur la terre? Si tu savais ce que je sais. Je n'en veux. Quand tu seras un homme, alors il te faudra te souvenir. Jeune homme, de respecter les hommes, d'être digne de vivre et de mourir. Digne de mourir. Jeune homme, digne de mourir. Jeune homme. Le prochain titre qu'on va écouter, ce sera Que je t'aime, le tube de l'été 1969. Il est sorti en 45 tours le 4 août 1969. Toujours Johnny au Palais des Sports le 26 avril 69. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessine sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îlots de trésors. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, que ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand tu te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il est juste. fait l'amour comme d'autres font la guerre. Quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime. Petite précision, hein. Le 45 tours, 4 titres, a été sorti le 4 août 1969, alors que le 45 tours, 2 titres, était sorti en fin juin 69. Voici Jésus-Christ, sorti en avril 1970, le 45 tours, je parle. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les pantégares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus qui est à hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu. Il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Jésus, oui Jésus-Christ, oui Jésus-Christ est à Hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage au grand festival de Woodstock. C'est lui qui soignait les blessés. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 32 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Jésus, oui Jésus-Christ, Jésus-Christ est à Hippie. Jésus, oui Jésus-Christ, Jésus-Christ est à Hippie. Jésus-Christ, oui Jésus-Christ, oui Jésus-Christ, ah! Johnny Hallyday à Cambrai, le 4 septembre 1970. Dans cette émission ce soir en live, je vous fais écouter des 45 tours repris en live, bien entendu, ouais. Comme par exemple ce titre, Voyage au pays des vivants, qui était la face B du 45 tours Que je t'aime, sorti le 23 juin 1969. Johnny Hallyday toujours à Cambrai en 1970. plus jamais je ne recommencerai. Jamais je ne recommencerai. Jamais je ne recommencerai. Je ne recommencerai, non, jamais. On retrouve Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1971 avec ce titre « Fils de personne » sorti en 45 tours le 22 septembre 1971. Un tour sorti en 1971 avec le tube Oh ma jolie Sarah qui est sorti le 5 avril 1971. Oh, ma jolie Sarah. Dépenser mes nuits blanches. Si tu crois que je suis un oiseau sur ta branche, tu es une illusion. Car tout change et tout casse et tout passe et tout lasse. Le désir, le plaisir se délie dans l'espace. Hey, hey, hey. Tu n'en as plus rien. Sarah, dans le brouillard. Et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Yeah! C'est déjà la fin. C'est un peu déplaisant, affolant, désolant. Comme nous sommes tous victimes du temps. S'agrandir le brouillard. Et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Yeah! Je n'y sais pour rien. Non pour rien. Car tout change, tout casse, tout passe et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Yeah! Je n'y sais pour rien. Non pour rien. Car tout change. Et tout casse, et tout passe, et tout lasse. Mais je n'y suis pour rien, en pour rien. Car tout change, et tout casse, et tout passe, et tout lasse. Mais je n'y suis pour rien, en pour rien. Maintenant. Maintenant tapez dans vos mains. Maintenant tapez dans vos mains. Je n'y sais pour rien. Oh là là. Car tout change, tout casse, et tout passe, et tout lasse. Le désir, le plaisir, se dilue dans l'espace. Hey. Je n'y sais pour rien. Hey. Je vous aime. Je vous aime. Le 14 février 1973 est sorti un 45 tours qui en face B aurait dû être une face A aurait dû être une face B, le corbeau blanc comme un corbeau blanc, et la face B qui aurait dû être une face A, la musique que j'aime. Comme un corbeau blanc, l'amour est rare. L'amour m'échappe.

j'aime toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. J'ai été à Lyon le 14 avril 1973 avec le titre « La musique que j'aime ». Tout de suite, on le retrouve au Palais des Sports de Paris en 1976 avec ce 45 tours qui est sorti le 9 juin 1976. La face B, c'est « Joue pas de rock'n'roll pour moi » et la face A, c'est « Derrière l'amour ». Et vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de A à Z le mercredi de 22h jusqu'à minuit. n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi, oh non. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. J'ai fait ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs, avec une voix qui grince comme un 45 tout rusé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Oh non, nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Je passe de rock'n'roll pour moi. Je passe de rock'n'roll. Je passe de rock'n'roll. Je passe de rock'n'roll pour moi. Oh non. Je crois que je vais rester sourd pendant très longtemps, avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang, les yeux tournés vers l'horizon d'où sortent les rêves. Le matin hurlera tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Pour moi, oh non, n'avons plus rien à nous dire. Joue pas le rock'n'roll, joue pas le rock'n'roll, joue pas le rock'n'roll. Voici la face A de ce 45 tours. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur. Et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir.

toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irritée. Elle ne m'a pas lâché d'une ombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler, une qui se fout. Voici notre 45 tours qui est sorti le 27 juin 1979 et que Johnny interprète lors de ce pavillon de Paris en 1979. À peine une heure que tu es là et tu cherches déjà une fille. Mais tu sais, non ça ne marche pas, elle préfère celle qui brille. Ton heure, c'était il y a longtemps. Remis les souvenirs. Les filles donnaient leurs 20 ans. Maintenant tu peux sourire. Wow, qu'est-ce que tu croyais? Que la vie n'attendait que toi. Qu'est-ce que tu croyais? Mais tu sais, non qu'elle ne te voit plus, que tu resteras seul. Oh, c'est une longue, longue nuit qui t'attend. Une nuit sale en fourmis. Ici, tu n'es qu'un perdant. Tu vois ce que je veux dire. Tu croyais que la vie attendait pour toi. Qu'est-ce que tu croyais? La vie est bien plus vieille que toi. Je commence à me sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je voudrais vous présenter ceux que je considère comme mes amis. Ceux qui me suivent partout. En province, en tournée. Je suis fier de vous présenter mes amis, messieurs, mesdemoiselles, mes musiciens. À la basse, il s'appelle Rémi. En deuxième guitare, Christophe. En guitare soliste, Michel. À la batterie, Jean-Pierre Prévotat. Les arrangements sont écrits, ainsi que l'orchestre dirigé au trombone par mon ami Jean Costa. Et le chanteur de l'orchestre s'appelle Johnny Hallyday. Passons à l'année 1981 à présent, avec le titre « Deux étrangers ». Alors celui-là, lui, n'est pas sorti en 45 tours. Non, non, non, c'est un autre titre qui est sorti. Et on écoute dans l'émission « Tué de la Z ». En détruisant notre amour, et dommage, en tempête, on s'est perdu à chacun notre tour. Ah! sans un mot, sans un signe de la main. Et après ton amour, et après ton désir, il reste de l'étranger. De l'étranger. De l'étranger. De l'étranger. De l'étranger. De l'étranger. De l'étranger. De titre de cette soirée spéciale 45 tours chanté en live. Et le dernier, c'est le Bon Temps du Rock'n'Roll, sorti le 21 février 1979. Et c'est toujours Johnny Hallyday à l'Hippodrome de Pantin en 1981. Voici le Bon Temps du Rock'n'Roll. Et tous ces couleurs qui me tapent sur les nez, les retrouvent en effet. merci, vous êtes formidable. À bientôt. Bonsoir. Sur cette émission, Johnny de la Z, la 557e, avec le live du mois de novembre et avec Antenne, les 45 tours chantés en live, du moins interprétés en live. Oui, 45 tours version studio, interprétés en live, oui, tout à fait. Et on était passé à la première partie de 1960 jusqu'à 1981. Prochaine fois, ben, peut-être courant décembre ou en janvier, vous aurez cette seconde partie avec quelques 45 tours, bien sûr, ou quelques singles interprétés en live. Bonne nuit à toutes et à tous, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!